100.9. Good morning. We're there. Yes. So, hey, André? Oui? Tu connais ça un peu, la radio? Non? Ben, j'ai vécu autour de la radio pendant un certain nombre d'années, mais j'ai renoncé à comprendre. OK. Non, c'est parce que ce matin, je vous disais, d'abord, il y a un hommage dans le journal à Ron Fournier. On a de la misère à comprendre. Si vous avez déjà rencontré Ron Fournier, peut-être qu'il fait un show pas pire, là, c'est trop tard pour moi. Mais Ron, c'est un personnage qui est hautain et un peu déplaisant. Par contre, il mérite peut-être ce qu'il fait, il s'y attire des codes d'écoute, mais là, de me dire ce matin dans le journal que ce gars-là attire 250 000 auditeurs à 11 heures le soir, là, là, on me prend pour un câble. Ça, c'est le cumulatif hebdomadaire de toutes les stations du réseau. Ça doit être ça. Ça, c'est ça. Je vois pas d'autre façon. Regarde, un actuaire s'est déjà noyé dans un lac qui avait un demi-pouce d'épaisseur moyenne. Ça se peut. Bon. Et si tu veux arriver à un chiffre aussi colossal pour les ronneries, il faut nécessairement que tu prennes le nombre de total de personnes qui, pendant 15 minutes, une fois dans la semaine, ont écouté quelque part au Québec, par Internet ou dans une des stations où sont diffusés le contenu intellectuel de ces émissions. Et même là, je trouve que c'est beaucoup de gens. Et même là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai même eu le feeling, parce qu'il y en a des fois qui le font, ils prennent les quarts d'heure. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un a 22 000 au quart d'heure, la grandeur du Québec, puis qu'il y a l'autre quart d'heure d'après, donc à 10h15 le soir, il y a 22 000 personnes à la grandeur du Québec qui l'écoutent. À 10h30, il en a 21 000. Et il prend 22 000 et il additionne 21 000. Souvent, il y en a qui font ça. Il y en a des gens qui vont jusque-là. Là. Puis 250 000 pour arriver là, là, ça prend des... quand je regarde l'état de santé du réseau, à part Jonquière et Montréal, puis quand on regarde que Montréal même, il y a quoi, il y a 600 000 auditeurs, et là, c'est le soir à 11h, Simonac. Je suis pas sûr que le Morning Man du matin, le Morning Man le matin a même pas 100 000 au quart d'heure. Comment le gars de sport le soir, même si on accumule les stations de Chicoutimi et de Val-d'Or, comment ça peut donner 250 000 à 11h le soir? Mais pour vendre la salade, ça passe tout le temps. Mais. Allez, bon, nous monter le gars et nous dire que c'est un auditeur. Autrefois, on pouvait se plaindre de publicité malhonnête, mais là, c'est même pas le cas. Là. C'est... Quant à Ron, tu me disais que c'est un personnage hautain, et tu as raison. Il a, comme beaucoup de Montréalais qui sont dans les médias, l'allure de quelqu'un qui est sorti directement de la cuisse de Jupiter pour regarder de haut ceux qui ne lui viennent pas à la cheville. Mais c'est très fréquent dans le métier. Et ce qui est fréquent, tu le remarques toi aussi, c'est que plus les gens sont gros, plus ils sont simples. Plus leur personnage est minable, plus ils sont hautains. Et le Québec est très bien équipé de ces gens-là. Les gens les plus importants au Québec, les gens les plus influents, les gens les plus riches, les gens qui ont les plus belles carrières, sont souvent les gens les plus simples. Oui. C'est les nobody qui se montent sur leur grand. Les parvenus, eux autres, par exemple, ils ouais. en mettent sur la table. Regarde Lloyd Welsh, qui est décédé il y a moins d'un mois à Québec. Un des plus grands industriels de l'histoire de Québec. Quelqu'un qui a même été honoré à titre de grand Québécois malgré lui, parce qu'il recherche pas les plaques et les honneurs, lui. Et Lloyd Welsh est décédé il y a un mois. Même le soleil n'a pas parlé de lui. C'est un homme qui vivait tout simplement... C'est dans son métier d'homme d'affaires, mais c'est quand même le créateur des constructions du Saint-Laurent. C'est le créateur d'une dynastie d'industriels extrêmement intéressants que sont les gens de la famille Welsh. C'est le père de Stanley Welsh qui a été dans la région de Québec à plusieurs égards un constructeur extraordinaire. Des gens dont on n'entend jamais pas rien. C'est pas besoin de péter de brouille, ils sont importants. Yes. J'avais rencontré Ron il y a longtemps, là, quand il commençait sa carrière à la radio à CJMS. J'étais pour une station du Saguenay, on va jouer un tournoi de golf. Mais moi, j'allais juste jouer la ronde de pratique la veille parce que c'est moins pédant, puis ça faisait plus mon affaire. Mais j'arrive là, mais finalement, les pédants de Montréal au tournoi Mario Tremblay étaient là à Alma pour jouer. Et il y avait de l'attente. Donc, à chaque trou, je devais entendre les enneries de Ron Fournier. Sur 18 trous, je ne suis pas toujours avec, là, sur 5h, 5h30, mais je suis aux 15 minutes, je suis là 3 minutes avec lui, à 4 minutes à entendre ses niaiseries. D'abord, et en plus, il y a l'audace de venir s'asseoir à notre table en arrivant, de trouver sympathique, on n'a pas dit un mot, mais ça, il prenait des oreilles pour l'écouter. Il nous a parlé de ses souliers qui valaient 150. Ses pantalons à 200, sa maison à Sainte-Adèle, la voiture dans laquelle il roulait, dont j'oublie le nom, et à un moment donné, à la table, écoutez, les gars, ça a l'air des bons gens, qu'est-ce que vous faites dans une région aussi bonne? C'est pour un boulanger, c'est pas pire. Ouais. Parce que ce gars-là était arbitre de hockey, puis il était pas un mauvais, là. C'est non. C'est un gars qui avait un bel enthousiasme au hockey, mais essentiellement, l'été, il était boulanger avec sa femme, si je me souviens bien. Puis c'est drôle, hein, parce que j'avais pas de perception. J'avais, en fait, je pensais rien de ce gars-là. J'avais le feeling que tu viens de dire. Je le regardais à la télévision en tant qu'arbitre de hockey. Je me disais, il a l'air d'un good guy. C'est un gars qui a un air d'aller. Il est correct. Il a pas l'air aussi arriéré que Kerry Fraser. Il a l'air de son temps. Puis il a l'air d'un bon arbitre qui prend le contrôle de ses matchs. Donc, j'avais pas d'idée sur le jeu. Il avait l'air d'aimer la game. Ouais, exact. Mais une fois rencontré, tabarnak. Mais ça, là, les médias de Montréal sont capables de faire ça du monde. Et les médias de Québec réussissent parfois aussi à faire ça avec du monde. Des gens que tu as l'impression qu'ils ont passé deux jours dans une station de radio ou dans une station de télévision, et soudain, tu as l'impression d'avoir affaire à du très grand monde, à quelqu'un de remarquable. Ben, puis dans la région de Québec, on en connaît, nous aussi, des gens... Ils ont un petit bout à la TV, puis patin, c'est bien juste si tu peux t'approcher d'eux pour leur dire bonjour. Ah, c'est pas. C'est l'impression que tu rencontres. Oui. Hein? Rien qu'un premier ministre ou un président d'une compagnie, on a l'impression qu'ils font des millions par année, que maintenant, ils sont indépendants de fortune et ils n'ont plus besoin de personne. Et pourtant, ça change, ça. Souvent, on voit des crashs aussi. Les gens reviennent. Hey, comment ça va? Hein? Ça fait des années qu'ils te regardent de haut, puis qu'ils t'envoient quasiment le finger quand ils te voient, et puis à un moment donné, ils deviennent dans la dèche. Et là, ils reviennent. Bonjour! Comment ça va? Yeah, je vais te mettre ça bien concret. C'est quelqu'un qui a eu des nouvelles d'André Bellil récemment? Non. Hey, c'était gros, ça, monsieur, là. Oh. C'était un personnage extrêmement important du syndicalisme radiophonique et de la radio sportive au Québec. C'est quelqu'un qui s'est inquiété d'André Bellil récemment. On pense tous à Marc Simoneau une fois par semaine, n'est-ce pas? Yes, on a pensé. Il a marqué nos vies, il a marqué notre enfance, il a marqué nos carrières. Marc Simoneau, on pense à lui une fois par semaine, puis on attend son retour. Y a-t-il quelqu'un au cours des derniers trois ans qui s'est dit, je me demande ce qu'André Bellil fait, j'ai donc hâte qu'il revienne à la radio? Pourtant, quand tu rencontrais André Bellil à CHRC il y a quelque temps, tu avais l'impression que c'était lui le propriétaire de la station. Mais je rêve su, j'étais pas dans le coin, mais je l'écoutais souvent à la radio. Puis, c'était pas quelqu'un de sympathique en ondes. L'individu en dehors des ondes, j'ai rencontré l'occasion dans l'édifice de CHRC, et j'imagine que j'ai rencontré une fin de carrière plus qu'un gars en début là, qui avait un petit peu de panache puis d'agressivité. Là, j'ai rencontré quasiment un pauvre type. Mais est-ce que ce gars-là était en ondes, il faisait pas sympathique, il faisait pas attirant. Est-ce qu'il était comme ça, lui, ce gars-là? Ben, en personne, il n'était pas agréable. Ça, c'est pas agréable. Non, non, c'est André Bellil n'était pas agréable. Il était très, très, très, très imbu de lui-même. Regarde, Marcel, je faisais expliquer comment ça marchait, le hockey, là. Ah oui, il était quasi poète des jeux. Ouais. Tandis que Marc, pour l'avoir rencontré récemment, puis j'en ai parlé dans une discussion de corridor il n'y a pas longtemps, Marc, même quand tu le rencontres, c'est le même gars qui en onde. Oui. C'est exactement. On peut en rire, on peut faire des jokes sur Marc, mais en fait, même il nous manque. Moi, j'ai toujours ri de Marc, puis ça manque cette couleur-là. Le gars qui connaissait rien, puis qui était drôle, c'est un amateur, qui se prenait pas au sérieux. Marc n'a jamais prétendu être un journaliste. Marc a toujours prétendu être un passionné de sport. Et c'est ça qui a tout fait son charme. Tout son charme venait de là. Puis il viendra encore de là demain matin si Marc voulait s'impliquer à nouveau dans le métier. Puis il y a plein de gens qui lui ouvriraient les bras avec beaucoup de sympathie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui court après André Bellil pour lui faire de la radio? Pas sûr. Mais non. Mais non. C'est évident que non. J'ai une injonction. Je me rappelle de ça. Ah oui, oui. Néanmoins. Puis, non-obstant eu égard. Non-obstant eu égard. Oui. C'est parce qu'il se prenait pour un avocat. Oui, il aimait ça beaucoup. Alors, Marc, bien que ça ne peut pas être payé hier, là, j'ai fait une expérience, André. Ouais, je veux juste te dire que c'est aussi le genre de gars, tu t'assois devant et c'est 10% pour moi avant de parler des autres. Moi, j'aime ça, c'est une philosophie syndicale. Sauf, mais t'as peu. Oui, je m'excuse, je t'ai interrompu. Non, non, c'est que tu m'amènes sur... Ben, je voulais pas t'en parler nécessairement, mais regarde, on va tant qu'à y être, on va en parler. Hier, j'ai fait une expérience. J'ai écouté CBC jusqu'à au milieu de deuxième, et pour la première fois, j'ai écouté un match au complet. La première fois depuis peut-être 2 ans. Puis, j'avais vraiment pas besoin de m'amuser un peu. J'ai switché à Radio-Canada pour écouter le gars qui aime pas le sport, là. Comment il s'appelle? Pierre-Houd. Il aime pas ça, lui. Ça fait clairement et précis que ce gars-là, il est juste là pour s'entendre. Ce gars-là met ses écouteurs fort, fort, fort pour entendre les mots qu'il dit, puis d'après moi, dans son char, il écoute le CD de ce qu'il a fait. Ah, c'est évident qu'il fait de la radio bandée, ce gars-là. Ah oui. Ah oui. Il garde, là. Il vit une extraordinaire histoire d'amour sans aide. Il se masturbe en s'écoutant. Oui. Puis t'as Yvon Penneau, qui lui est un parfait abruti. Hey, ça, c'est le gars qui analyse le hockey, là. Là, je viens de switcher de CBC. Je pitonnais à ESPN pour prendre le match avec John Davidson, de paquet de monde, là. T'avais tout ce monde-là qui connaissent le hockey et qui aiment le hockey. C'est ça le plus important. Les connaisseurs dans le sport, ça n'existe pas. C'est pas une science qui est parfaite. Donc, c'est bien plus des feelings, des gens qui connaissent la game, qui l'ont joué. Yvon, je suis pas sûr. Ils ont de l'inside. Oui. Puis Yvon, je suis pas sûr que. Et d'abord, il est capable de chausser des patins. Deuxièmement, qui a de l'inside, qui est capable de parler à tout le monde. Je ne sais même pas s'il parle anglais. Je sais rien. Mais je sais que quand je l'écoute, là, j'apprends rien comparativement ailleurs. Mais c'est de voir comment ces gens-là sont boqués. On a un petit gars, Patrice Bergeron. Oui. Ancienne Lorraine. 18 ans, André. On n'entend pas presque pas parler la même histoire qu'Éric Gagné. C'est probablement un des joueurs qui aurait pu avoir le titre de recrue de l'année s'il n'avait pas été blessé en plein milieu de la saison. Ça l'a relancé un peu. Mais hier, de voir ce jeune homme de 18 ans contrôler la rondelle de la manière qu'il le fait pendant les power play, comme si ça faisait 10 ans qu'il était dans la ligue. Il a une assurance, ce gars-là. Il a couché Théo sur le troisième but. Il a passé ça entre les pads. Le gars avait juste à pousser. Jamais pendant le match. Et pourtant, je me suis pas installé en me disant, à ce soir, je regarde Patrice Bergeron. C'était une évidence que ce joueur-là était une coche au-dessus et en plus, à 18 ans, c'est une future star. On n'a pas besoin de le vendre plus qu'il faut, mais je sentais le besoin de leur part de nous en parler, même sur le troisième but, où c'est lui qui a rentré la rondelle, il a contrôlé le jeu complètement, il a tiré les gars, il a pris du shot, la puck est revenue sur la palette d'un de ses joueurs, il est retourné sur le bord du filet, il a obligé le gars à y passer, il a couché Théo, pas un mot sur la manière. Parce que, premièrement, il faisait mal paraître Théo, le Canadien qui panique à rien quand les commentateurs les bousculent un peu, ben là, il fallait les protéger. Ah, le Canadien va jouer ça. Pas un mot sur Patrice Bergeron. Comme s'il était un rôle. Non, non, il n'est pas soumis à l'autorité du trio des bleuets racistes que sont Raymond, Penneau et Tremblay. Par conséquent, il n'existe pas. Il n'existe pas. Un Russe. Comme un Russe. Un Gretzky. Gretzky n'existait pas. Non. Gretzky, pour ces gens-là, Gretzky n'existait pas. Mais s'il était échangé au Canadien de Montréal, ce serait bien différent. Parce que là, on serait ses boss. Donc, on pourrait faire sa promotion. Ben oui. Parce que ces gars-là se prennent pour les vrais boss du Canadien de Montréal. Depuis Ronald Coré, qui est un gars sympathique, mais qui n'a pas fait sa job de tasser les journalistes de son équipe, puis qui en est mort. Depuis ce temps-là, les vrais boss du Canadien de Montréal, c'est nos trois bleuets racistes. Les trois gars du Saguenay, pour qui n'existe que les Québécois soumis à leur autorité. Il y en a un là-dedans qu'on pourrait quasiment enlever, là. Bertrand Raymond, est plus. Hey, ça fait je sais pas combien d'années, André, que j'ai pas lu Bertrand Raymond. Je le trouve tellement plate. Tu sais, au moins, Réjean, je trouve qu'il sent bourgeoise, il a ses défauts, mais matin, son texte sur Tempo B, il a une bonne plume, on va y donner. Il dit des niaiseries, bon, il reproche. Mais Bertrand Raymond, c'est même pas lisable. Il y a rien. Moi, je l'ai vu cet été au golf, j'allais jouer au manoir, il est là. J'aperçois un gars avec des souliers patoff, avec des spikes pour jouer au golf, puis un chandail saumon. Et je me dis, mais mon Dieu, qui peut être habillé de même en l'an 2003? C'est le titre de 84, ça. C'est notre ami Bertrand. Il est complètement déconnecté. Partout où il est déconnecté, même avec son linge. C'est pas lisable. Puis, t'as raison, parce que hier, Yvon Penneau nous a vendu, à un moment donné, ça y a passé par la tête. Je sais pas si sa fille sort Patrice Brisebois, mais il est reconnu pour cacher les gaffes de Patrice Brisebois à tous les matchs. Je sais pas pourquoi. Hier, la gaffe s'est passée lors du deuxième but en première ou deuxième période. C'est pas chaud, je me rappelle, là. C'est en première période. Il fait une gaffe. Et en troisième, il y a un flash. Ah oui, première. Oh! Donc, on est rendu une heure d'accord plus tard, là. Oui. By the way, Pierre, on aperçoit ici là, notre ami Patrice Brisebois, qui a joué de malchance sur le deuxième but. Là. On peut pas lui donner... Il n'a pas parlé tantôt. Il n'avait pas parlé. Tantôt, quand c'est le gars, il a gouffé. Non. On l'a pas dit. Mais maintenant qu'il fait un bon coup, on dit que ça rattrape la gaffe dont on a oublié de parler. Il appelle même pas ça une gaffe. Il a joué de malchance. comme d'habitude, il a échappé son gars, ce que Patrice Brisebois fait à tous les games. Il l'échappe. C'est vrai, le gars est seul. Il l'échappe tout le temps. Et sur le deuxième but, là, la rondelle là, qui a dévié sur lui, il a joué de malchance. Ça, c'est les mêmes bâtards qui ont rempli le stade olympique pour une nouille comme Denis Boucher puis qui ont laissé Pedro Martinez jouer devant 3000 personnes. C'est ça. Les mêmes maudits racistes québécois montréalais. Tu es des nôtres, t'es soumis à mon autorité, t'es un héros. Si tu t'es pas soumis à mon autorité, si tu me demandes pas conseil, si tu dis pas que je suis bon, ça n'existe pas. Ah, c'est tellement caractéristique des petite peuplade primitive. Il faut que tu sois bon avec le chaman pour être capable d'avoir un bœuf, là, tu sais. En tout cas, je te dirais que si tu as la chance de regarder le petit Bergeron jouer pour les Browns, ça vaut la peine. Un joueur mature, un beau joueur, un gars qui va probablement réussir parce qu'il a une tête aux épaules. La presse en occupera pas tant qu'il n'aura pas compté 40 buts, là, mais ça vaut la peine de regarder ça en ce moment parce que je te dirais que dans ce que j'ai vu hier, il n'y a rien d'autre à regarder. Ça veut dire que le Canadien, il va pas chier loin pour avoir du vrai hockey dans pas longtemps? Ah non, le Canadien, là, regarde, là, excusez, là, c'est 4 matchs. Ils ont même pas d'affaires là. Je comprends même pas. Ben, on le veut à la fin, là, que c'est quand même une question de chance. Ils se sont tellement dominés par tout le monde, incluant un Buffalo, que c'est une question de chance. D'après moi, ils ont 10 victoires qu'ils méritaient pas cette année. C'est la différence entre la dernière position et la 7e. Mais c'est incompréhensible que cette équipe-là ait réussi. À moins que ça nous démontre que cette ligue-là est une ligue de clowns, puis que il y a beaucoup de circonstances maintenant qui fait qu'un club peut se hisser dans les playoffs, mais il n'y a pas de club. Mais est-ce que on peut dire de Théodore qu'il s'est comporté hier comme un gardien dominant en série? Ben, comme d'habitude, un gardien moyen qui a donné encore un mauvais but, c'est pas deux. Il a été chanceux d'en faire donner un troisième qui a été refusé, parce qu'on disait que la palette cachait la rondelle, donc on ne pouvait pas voir si ça avait rentré au complet. Mais une chose est sûre, il a sonné ses gars. Le premier but qu'il a donné, tu sais, les gars commencent, sont nerveux, tu voyais pendant l'hymne national, il bougeait dans le banc. Le début des séries, c'est énervant. Ils ont hâte de commencer. Il y a un tempo qui se donne. Il y a un bon lancer qui se prend de la pointe. Et avec le gâteau, il part pour l'arrêter. Il voit la rondelle, mais il manque la rondelle avec son gâteau. Et elle passe à côté de lui. Ou en dessous. Je ne sais pas là, exactement. J'ai vu 3-4 angles. Au début, je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un spasme. Il ne l'a pas vu. Mais la caméra d'en arrière nous a montré qu'il l'a... Je pensais au hockey. Peut-être que c'est quelqu'un qui se faisait enlever le hockey par Robert Gillet autrefois. Oui. Quelle histoire. Et là, il ne peut plus faire appel à Robert. Cette histoire-là, hein? Là, il y a eu le hockey, puis ça a passé à côté du biscuit. Mais sérieux, je ne sais pas. D'après moi, il leur a coupé les jambes. Un gardien dominant, c'est de qui on parle, puis là tout le monde est là, Ray Kroft, on n'est pas sûr, hein. Il est dominant, là, mais il n'a jamais été dans les playoffs. Et lui, là, il se promène avec la puck, il donne pas de retour, il est stable, et là, on en est, bon, ils vont peine-nous en trois. Tu sais, Pierre, là, c'est pas une victoire, c'est pas un jeu blanc, là, pour Ray Kroft. C'est ni une victoire en série, là. Pour lui, c'est une victoire contre Théo. Et en entrevue après, 2 minutes après, avec Alain Crête. Alain Crête! Alain Crête, lui a posé. L'homme qui a avalé un porte-voix. Oui. C'est pas parce que tu parles fort que t'es travaillant, mon homme. Alain Crête! Mais Alain, il a demandé la question, il a demandé toutes sortes de questions. Le gars était calme. Et jamais il nous a parlé de Théo. Pour lui, c'est un travail d'équipe. Puis il avait été aidé par ses joueurs. Puis j'ai regardé comment je garde le reste de la saison. Il dit, j'ai rien fait de mieux, rien de pire. Mais il joue en avant de moi tellement bien joué que ça a été facile. C'est plaisant de jouer pour Montréal. Si tu gagnes, c'est de la faute à Théo. Puis si tu perds, c'est de la faute de l'équipe. C'est ça, Montréal. On perd en équipe, puis on gagne avec Théo. Là-dessus, mais bon match. Puis bonne série, ça sera pas long. Et ça, c'est toujours la psychologie négative du sport. Si tu donnes une excuse à un athlète pour perdre, il va perdre parce que ça fait trop mal de gagner. Mm. Alors si tu dis, oh, ouais, en équipe on perd, il n'y a pas de responsable, si on gagne c'est grâce à Théo, tu n'auras pas de mérite, mais je me regarde. m'a poussé à Puck. M'a dompé à Puck dans le jeu. M'a me servir des bandes puis de la baie vitrée pour déblayer mon territoire. C'est drôle que tu dis ça parce que tout à l'heure, Dan me dit, ouais, mais c'est le but que Bergeron, il a passé entre les pattes que le joueur de Boston a poussé dans un filet désert. Comment ça que les deux défenseurs ont pas fait, tu sais, au moins déblayer la rondelle puis travailler plus fort pour enlever à Puck avant 40? Moi, j'ai dit, on laissait tomber parce qu'il avait déjà donné un break 5 minutes avant sur un jeu bien pareil. Ils ont réussi à enlever la rondelle. C'est Dagenais qui avait enlevé la rondelle. On a été voir si le but était bon ou pas bon. Puis, il a donné un break à Théo. Mais là, 5 millions et demi, 6 millions par année US, les gars sont dus là, le Christ. Moi, j'en fais 1 million, là. Et en peux-tu l'arrêter à Puck? Ça te tente-tu? Ça aussi, à un moment donné. Parce que tu peux fourrer le public, surtout quand tu es journaliste, mais tu peux pas fourrer les joueurs. Les joueurs, ils savent la vraie. Yes. Dans tous les sports, il y a un dicton qui est inéluctable. You cannot fool the players. Tu peux pas te tromper les joueurs. Les Canadiens de Montréal ont eu deux occasions dans ce repêchage-là de... Il y a Patrice Bergeron d'ancienne Lorette, ils n'ont pas fait. Ils ont repêché un Russe, puis un gars de la Ligue junior majeure du Québec, un anglophone, qui avait joué pour les Remparts et qui ira probablement nulle part. Est-ce que quelqu'un dans les sources que tu as, ou dans tes analyses à toi, a été capable d'expliquer la non-existence de Kovalev qui a perdu toutes ses capacités en arrivant à Montréal? Est-ce que ça a été expliqué, ça? Ben, j'ai posé la question à Stéphane Quintal cette semaine. Il me dit, contrairement à ceux à d'autres Russes qu'on connaît, c'est un gars qui s'implique, c'est un gars qui a du cœur, c'est un gars qui est capable de jouer robuste, dans la chambre, c'est un leader, il a tout pour réussir. Mais là, c'est parce que tu joues avec Yannick Perrault et Jason Ward. Ce quatrième trio, je pense pas que c'est la formule pour le réveiller s'il est réveillable, mais je sais que ça m'a pris 2 périodes et demie avant de le voir. Un Schumacher d'une Minardi, ça roule pas. Est-ce que je peux vous confronter avec le témoignage de Luc Sylvain qui a regardé la game et qui écrit? Ah oui. Le duo de Nouilles de RDS a même fait un commentaire peu élogieux sur l'agressivité de Bergeron alors qu'il donnait une démonstration exemplaire d'échec avant. À l'intérieur de 12 secondes, il y a eu 3 phases de Canadiens habitants étampé dans la baie vitrée du Fleet Center. Apparemment, les gars de RDS ont dit que Bergeron était trop agressif, alors ouais. Qu'en fait, il faisait ce que les joueurs du Canadien font pas, c'est-à-dire de l'échec avant. Bande de pas bons. Le meilleur commentaire du match d'hier, c'est Bob Gainey qui l'a donné. Il dit, on a vu des garçons contre des hommes. C'est top. Et si bol. Ça frappe, ça. Ça veut dire que le directeur gérant du Canadien est allé plus loin que Yvon Pedneau? Oui, absolument. Yvon Pedneau a été plus timide que Bob Gainey? Oui. Oui. Quand je t'avais dit que Bob Gainey finissait toujours ses mises en échec. Voilà. On s'arrête 2 minutes en plus. On va parler de Marchette puis de notre tapette nationale, là. Oui. Hey. Ça, l'histoire de Marchette. Ben, c'est important, les Marchettes. Je te disais qu'il y en a une à la maison, puis après, Marchette dedans, puis la prochaine qui s'en vient dans 2 mois, donc encore être dans Marchette. Père indigne! Ouais. Je vais l'acheter, par contre, je voudrais faire la contrebande de Marchette. Je vais en rapporter des États-Unis. Oh, oui, ben, ça se fait, hein. Avez-vous de l'alcool? Avez-vous des cigarettes? Avez-vous des Marchettes? Ouais. 5 piastres de marché aux puces en Floride, tu as des belles bains neuves. Des grosses gouines aux douanes canadiennes qui vont nous arrêter. Avez-vous des Marchettes? 8h52, 2 minutes, on revient avec. Arrêtez l'écoute. On vient sur vous revient de l'autre côté de la pause. Quand il y a le temps de choisir une Nissan, il y a toujours un maire qui me revient. Cherchez votre super Nissan Sentra 2004 en location à seulement $199 par mois pour 5 ans avec un léger raconte et zéro dépôt sécurité. Pour une Sentra 2004, c'est chez Capital Nissan qu'il faut aller. Quand vient le temps de choisir une Nissan? Capital, Nissan, Capital, Nissan. Bonjour madame, notre représentant en porte et fenêtres va passer dans votre garage. Bonjour monsieur, les spécialistes de porte et fenêtres Québec ont tout rénové à 3 ans, du beau travail. Ok, on peut vous rappeler qu'ils ont... Dans 20 ans. Porte et fenêtres Québec, les prix imbattables, la plus belle salle de montre à Québec, le système triple vert et un choix unique de couleurs garantie 20 ans. Pour une estimation gratuite, faites le 681-7799. Porte et fenêtres Québec, du beau travail. Votre nouvelle saison de golf débute par un passage à l'événement golf chez Swing de Golf, le long de l'autoroute 20 à Lévis. 2-1 sur les souliers Reebok, 2-1 sur les polos Greg Norman et 25% de rabais sur les nouvelles collections 2004. Sans oublier, le plus grand choix de bâtons et de sacs au meilleur prix dans la région. Avec Swing de Golf, vous faites affaire avec des pros accrédités CPGA. Et pour mieux vous servir, venez voir notre nouvelle boutique à Sainte-Foy, sortie Jean Gauvin, à côté du IGA des Sources. Swing de Golf, toujours 100 verges en avant de la compétition. Vous vous posez des questions sur votre cuisine, sur votre salle de bain et le centre de coupe Paul Deslauriers a la solution. Une équipe qualifiée, plus de 35 ans d'expérience avec une vaste gamme de produits, dont les portes d'armoire, des comptoirs de stratifié, des comptoirs de granit et les nombreux produits en mosaïque comme les comptoirs, les dosserets de cuisine, les intérieurs de douche et de salle de bain. Allez voir cette nouvelle mosaïque de verre, le produit le plus hot actuellement en Amérique. Le centre de coupe Paul Deslauriers au 652-0008. Bon. Je le savais, André, un peu avant. Oui. Je le savais. J'avais averti le monde un matin, j'ai dit, regarde, il n'y a rien dans l'actualité. Quand c'est le temps de parler d'une affaire de showbiz pendant 3 heures, quand c'est ça qui retient l'actualité, on le fait. Quand c'est le temps de parler d'une histoire de procès pendant 2 semaines, parce que c'est ça qui retient l'actualité, on le fait. Quand il y a quelque chose qui retient l'actualité, on s'en occupe. Là, je vous avertis, filles, là, c'est du sport de temps-ci. Il y en a à tonnes. Là, je reçois des emails. Jeff, t'es plate avec ton sport, tu vas perdre des magistrats. Arrête pas. Change de poste. OK, là. Les directeurs des programmes, ça fait 8 ans, vous me disiez quoi. Moi, là, on dirait, André, que je parle trop de politique, je parle trop de showbiz, je parle trop de musique, je parle trop de ci, je parle trop de ça. Finalement, on dirait qu'ils veulent que je mette de la musique. Ils veulent que tu parles de ce qui est dans l'ultimonde à eux autres aujourd'hui pour pas être obligé d'ouvrir le bocal pour voir ce que ça sent à l'extérieur. Ils sont dans le bocal, eux autres. Ils sont dedans, hein? Ouais. Hey, durant l'intermission, oui. LCN a présenté tous les buts entre Boston et Montréal hier. Ben, il y a au moins 2 buts là-dessus qu'un bon goaler aurait arrêté. Oh oui, facile, 2 sur 3. Et il y a au moins 2 buts où c'est sur le 3e rebond, hein? Oui. Je suis épaté de voir le nombre de rebonds que le garçon donne, puis l'incapacité des défenseurs du Canadien. J'ai pas vu la game hier, mais je regardais, ça me faisait penser à un des meilleurs gags de hockey que j'ai jamais vu. Tu sais, les maniaques du petit Jésus qui se promènent avec des poissons sur le char, ou même des affaires du genre, là. Il y avait un slogan aux États-Unis qui a roulé pendant des années, et que tu vois encore là, dans les régions vraiment trou de cul de l'Amérique, comme le Canada anglais. Jesus saves. Oui. Dieu nous sauve. Mais il y a un jeu de mots extraordinaire qui a été fait par des amateurs de hockey parce que ils ont mis Jesus saves, puis ils ont mis un autre slogan juste en dessous. But Gretzky scores on the rebound. Yes, oui. Jésus fait l'arrêt, mais Gretzky marque sur le retour. Ah oui, Jésus, il gagne bien des affaires. Ah, oh, il gagne. Regarde, il s'occupe, il bat un, puis il fait gagner l'autre. Je remercie le petit Jésus de m'avoir fait gagner la guerre. Hey, tu veux-tu me parler des marchettes pour vrai? Mais, écoute, hier, le Canada est devenu le premier pays au monde à interdire les marchettes de bébés. C'est dans ma liste, j'ai trouvé ça bien drôle. Oui, c'est drôle, mais en même temps, c'est encore l'écrasement des libertés par des femelles qui veulent nous protéger comme des mamans. Assumez les deux raisons. As-tu les deux raisons? L'enfant peut débouler l'escalier, puis l'enfant peut mettre la main sur des choses dangereuses auxquelles il n'aurait pas accès s'il était assis sur son cul à terre. On s'entend-tu que c'est un bon parent, puis tu t'occupes, puis tu t'assures que l'escalier est bien bloqué avec une affaire incompétente, puis que les choses sont ramassées comme du monde quand il y a des enfants, ce qu'on doit faire à tous les jours. Il n'y en a pas de problème. Non, mais d'autre part, te rends-tu compte comme on aime mieux quelqu'un privé d'autonomie, mais sécurisé, que quelqu'un à qui on donne l'autonomie avec les risques que ça comporte. Comme la mère de famille qui veut garder ses enfants près d'elle pour les protéger de tout au risque de leur enlever la liberté, l'autonomie et le fait d'être un adulte. Et ça, c'est incroyable, mais imagine-toi bien là qu'il faut que tu comprennes qu'on est le premier pays au monde. En d'autres mots, on est le seul. On a 5 minutes, là. J'ai une nouvelle pour toi. Au Québec, on était bien avant ça. Ça, c'est le pays qui le fait. Mais au Québec, là, depuis... Regarde, ma petite a 22 mois. La marchette que j'avais, j'étais obligé de l'importer. Il n'y a plus de marchette de disponible au Québec depuis des années. C'était déjà fait. Puis on a enlevé les jolly jumpers aussi, hein. Parce que ça cassait les couilles aux petits gars. Oh. Non, écoute, et le gars qui signe le décret, c'est un gars qui, tout à fait librement et légalement, lui, dans sa vie personnelle, quand il veut mettre son pénis dans quelque chose de chaleureux, il choisit un anus. Chaud. Chaud et masculin. Okay. Puis, il a le droit, là. Oui. Mais ça, c'est comme Agnès Maltais-Lagouin qui voulait forcer nos femmes à allaiter dans les hôpitaux. Elle avait décidé ça, elle, parce que dans son livre à elle, une femme, ça nourrit ses enfants. Bon, puis on va t'écœurer jusqu'à temps que tu le fasses. C'est quoi cette autorité femellisée qui veut me protéger de tout et de rien au péril de mon autonomie et de mes libertés? Comment ça se fait que quand le CRTC débarque à Québec pour enlever la liberté aux gens de radio, c'est une femme qui préside. Comment ça se fait que quand les coronaires se font interdire de donner des entrevues à risque de poursuite, c'est une femme qui signe le mémo? Comment ça se fait qu'à chaque fois que la liberté recule au Québec et au Canada depuis 10 ans, c'est toujours suite à la femellisation de quelque chose? Ça, ça me bouleverse. Comment ça se fait que quand on enlève les jeux de ballon chasseur d'un cours d'école parce que c'est trop violent, ben c'est une fille qui a pris la décision. Et à ce que je sache, jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas d'emprisonnement comme il y a dans certains pays qui se tiennent sur une femme enceinte qui fume et qui prend de la boisson à quantité industrielle. Et ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de règlement qui empêche ces gens-là de fumer dans leur voiture à moins 30 degrés que la chaufferette dans la voiture. Les deux fument avec deux bancs de bébés, un bébé naissant puis un autre de 2 ans dans la voiture. Et on va toujours manger dans les restos, l'endroit où ce serait l'endroit premier où on ne devrait pas avoir de cigarettes, c'est l'endroit où on mange. On laisse dans cette société-là, pourtant, bien des états de ce pays sale, rempli de malades dans la tête, que sont les Américains qui ont interdit maintenant la cigarette dans les bars et les restos, incluant en Europe les Irlandais qui ont des pubs à tous les coins de rue. Nous, au Québec, on n'a pas encore réglé ce problème-là. Mais par contre, on va s'occuper des marchettes de bébés. Comme si c'était à la tête de la liste des priorités, ça. Mais et pire encore, mon ami, pire encore, je veux dénoncer avec toute l'énergie dont je suis capable le fait que pendant qu'on va enlever les marchettes à nos enfants pour éviter qu'ils déboulent les escaliers, on va les laisser à nos vieillards. Pire encore, ben oui. Pire encore, sur les marchettes de vieillards, j'en ai une à la maison, il y a une place pour mettre un verre. Il y a des vieux qui se promènent avec un verre de gin dans leurs marchettes, qui vont débouler les escaliers, qui vont se péter la gueule, et le gouvernement n'intervient pas. C'est pas épouvantable, ça? Oh, peut-être un nettoyage quelconque. Comment c'est qu'on réagit pas? Comment se fait-il qu'on ne réagit pas? On réagit plus à rien. Ça. Non, comment ça se fait qu'on a perdu le piton de l'indignation? Moi, je pense qu'on sait qu'il y a une bombe nucléaire qui s'en vient, puis les gens continuent à faire leur train-train quotidien comme s'il n'y avait rien qui va arriver. Si, mettons, tu le sais, là, elle est en route, elle arrive, là, puis on va arriver dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça ne change rien. Les gens vont continuer à faire leurs choses comme ils le font tous les jours. Tellement déçus des Québécois qui ont perdu la capacité de s'indigner quand quelqu'un touche à leur liberté. Regarde le CRTC, là, les enfants de chienne. Ils nous ont dit il y a quelques années, nous autres, l'Internet, on ne touche pas à ça. C'est incontrôlable, on ne le contrôlera pas, n'est-ce pas? Ben, hier, ils ont émis une information à l'effet qu'ils se préparent à contrôler le téléphone par Internet. Pour protéger Bell Canada. Oui. Ben oui. Pour protéger la compagnie qui, dans un régime de corruption et de pègre politique, avait fait jouer Tiger Woods avec Jean Chrétien, le parrain de la pègre politique. La même compagnie qui, avec Astral, reçoit les dirigeants. C'est les commissaires dans des soupers, dans des réunions, dans des soirées mondaines avec des grandes, tu sais là, les descentes de champagne sur glace, ce genre de patente là. Ben c'est là maintenant le président s'est levé il y a quelques semaines en disant ça n'arrivera plus, mais ça dure depuis des années. Une soirée où on reçoit les gens de Bell reçoivent le CRTC. On sait, regarde là, tout ce qu'il y a de plus cher, tout ce qu'il y a de plus péteux. Et là pendant la soirée, mon ami, comme quand il faut écouter la marier, là. Là, maintenant, c'est le président ou un haut gradé de Bell qui va dire, de BCE, qui va raconter aux gens du CRTC. Voici, nous avons invité ce soir pour célébrer tel événement et vous remercier de toute l'attention que vous nous donnez. By the way, on aimerait, au cours de la prochaine année et demie, nous sommes en train de développer ce genre de choses et on aimerait ci, ça et cela. Et il y a des journalistes du National Post qui s'en sont rendus compte. Qui sont aperçus qu'il y avait des meetings, des soirées mondaines entre Bell et les gens du CRTC. Regarde ce que ça donne. Frédéric m'envoie les paroles de la chanson Mother de Pink Floyd. Yes. Mama's gonna make all your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wings. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Je m'en veux de pas avoir allumé. C'est probablement la meilleure chanson jamais écrite de mère ultra protectrice de toute l'histoire de la musique. Ah oui? Ben oui. Pink Floyd. Je suis trop vieux pour connaître ça. Et l'album, André raconte l'histoire d'un gars justement qui a un paquet de problèmes d'adaptation sociale parce que sa mère l'a trop protégé parce que quand il était petit, c'était comme ça. Alors, que Pink Floyd sache que sa chanson décrit bien les gouvernements canadiens. Des moments qui veulent nous contrôler. Le gouvernement. André, passe une bonne journée. T'es pas là demain matin? Ah non, je serai sur Intercar à cette heure-ci demain, rendu au moins jusqu'à Montréal, en route pour New York, où je m'en vais passer la Pâque, et je vais me penser à vous à chaque instant. Ça fait combien d'années en ligne que tu fais ça? Ça fait 6 ans, 7 ans que je roule, ça fait 7 ans que je vais à New York, au moins 4-5 fois par année avec Intercar, et chaque instant est un privilège. Puisque tu parlais du CRTC, Monsieur Abtur, nous allons prendre une pause. Salut, bye, bon week-end.